Différents milieux de la société sud-coréenne condamnent le jugement étriqué du tribunal de grande instance de Séoul sur les auteurs principaux impliqués à l'élaboration de la liste noire du milieu culturel et artistique. Le 27 juillet, le tribunal a condamné Kim Ki-chun, ancien chef du cabinet de secrétaire de la Maison Bleue, aux travaux forcés de 3 ans pour l'abus de pouvoir, Cho Yun-sun, ancien ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, aux travaux forcés d'un an, et Kim Sang-dul, ancien chargé de l'enseignement et de la culture de la Maison Bleue, aux travaux forcés d'un an et demi. Le porte-parole du Parti pour la justice et la solidarité des citadins pour une société démocratique ont publié respectivement les 27 et 28 juillet un commentaire contre ce jugement. Les députés issus du Parti démocrate de Boulon ont critiqué également cette sentence. Par ailleurs, sur les sites internet sont véhiculés des écrits demandant de rejuger les accusés.